La programmation de cette semaine au Undead Incorporated Show Réanimation sera thématique et espérons-le thérapeutique. C'est-à-dire que les trois seuls et uniques blocs que je vous présenterai sont sous une bannière particulière. En ouverture, le Big Four. La majeure partie de l'émission sera consacrée à la New Wave of British Heavy Metal. Et en clôture, un bloc consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si l'on veut une leçon d'histoire traitée musicalement, qui s'adresse aux incultes et connards qui se trouvent parmi les auditeurs de réanimation. Soit la quasi-totalité. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui joue au professeur d'histoire, surtout lorsqu'il mélange toute chronologie et invente des faits. Comme par exemple lorsqu'il vous explique que le général Motorhead et sa compagnie de blindés de tank menée par Satan prirent d'assaut la scène du Big Four au Sunny Sphere Festival, qui dans les faits ne se tiendra qu'en juin prochain. C'était pas mal n'importe quoi comme moment. Encore loin d'être historique. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Big Four. Go.

exploration. C'est fou. 89.1. Vendredi le 13 février, votre café-bar Le Zénob vous présente les formations Les Guerres de l'amour et X-Ray Zebras pour une soirée funky aux accents devotional, groovy et fuzz. 7$ à la porte. X-Ray Zebras et Les Guerres de l'amour, ce vendredi 13 février, 21h30 à votre café-bar Le Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Les 20 et 21 mars prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, La Puce Rock et Cifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 14e édition. 16 groupes sur deux soirs mettant en vedette Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, La Puce Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 10 février de l'an des 10 grâces glaciaires 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon, le Dr. Pain Pendragon, et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Et oui, on vient d'entendre avant cette pause publicitaire le Big Four. Et certains pourraient me dire, ton ordre de pièces, docteur, n'était pas correct parce que Metallica, c'est beaucoup plus gros que Slayer. Oui, celui qui me dirait ça, je lui dirais, tu as raison. Mais pas en qualité, par contre. Donc, on vient d'entendre la formation Slayer et la pièce Postmortem qui était jointe à Raining Blood. Ce sont les pièces de fermeture de cet album Ring in Blood qui paraît en 1986 sur Def Jam. Et c'est un excellent album de métal. Juste auparavant, oui, nous avions Metallica et la pièce Damage Inc. que l'on retrouve sur Master of Puppets, qui est le troisième album de cette formation, à être paru en 86 sur Elektra. Et tant qu'à moi, ça aurait dû s'arrêter pas bien longtemps après ça. Et Megadeth, juste auparavant, et la pièce de Conjuring, qui était le deuxième album de cette formation américaine, la pièce étant l'album étant Peace Sells But Who's Buying, qui paraît en 86 également sur Capitol. Et nous avons ouvert avec Anthrax et la pièce Cult in a Mosh, qui est tirée également du troisième album. En fait, c'était pratiquement tous des troisièmes albums, soit Among the Living, qui paraît en 87 sur Megaforce. Ce soir, je l'ai dit en ouverture d'émission, et je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est une émission qui est pratiquement, qui est pratiquement à 99% thématique, puisque dans quelques minutes, minutes, on va entamer ce spécial de la New Wave of British Heavy Metal, cette nouvelle vague de métal britannique. Mais avant, j'ai une demande spéciale de mon bon ami Tower, qui, je dois dire que ça fait un bon 2 semaines qu'il m'a demandé ça, et puis il me l'a rappelé incessamment que c'est... En fait, il dit, regarde, il dit, j'aimerais bien l'entendre. J'ai dit, écoute, Tower, t'as juste à aller dans le salon chez toi et l'écouter la pièce. Moi, j'aime vraiment pas ça, ce que tu me demandes. C'est vrai que j'aime pas vraiment ça, mais... Il faut faire amende honorable envers ses auditeurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un ami. Il m'a demandé une pièce de la formation française Bloodhouse Nord. Il s'agit d'une pièce tirée du dernier album Memoria Vetusa III. La pièce étant Clarissima Mundi Lumina. Eh bien, pour toi, Tower, je te la passe immédiatement. Go! Bon, je peux pas dire que je suis fâché. Bah! Pauvre Tower, je suis donc peu respectueux. Non, en fait, je dois lui donner quelque chose à Tower, c'est qu'il a une grande ouverture d'esprit musical, ce que j'admire. En fait, elle est plus grande que la mienne, je dois le dire. Bon, on vient d'entendre la formation française Blood Oath Nord et la pièce drôle de nom, là, je me rappelle plus. Ah oui, Clarissima Mundi Lumina, c'est la pièce de clôture de leur dernière parution de 2014, soit Memoria Vetusta III. C'est un groupe, évidemment, que vous avez probablement facilement classé dans le black metal. C'est un black metal d'avant-garde atmosphérique, si on veut. C'est vraiment pas mon genre musical, mais pas du tout. Mais si ça l'a pu faire plaisir à Tower, qui est un fidèle auditeur depuis bien, bien longtemps, puis un ami aussi, hein, je dois le dire, eh bien, tant mieux. Puis moi, ça aurait été seulement un mauvais moment de 7 minutes. Il est 19h42 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 29h. On a une émission excessivement chargée ce soir parce que ce fameux spécial de la New Wave of British Heavy Metal, il est pratiquement, je dirais, pratiquement deux tiers de l'émission. Mais on va l'entrecouper et puis si jamais je vois que les choses débordent, et puis on pourra toujours se reprendre la semaine prochaine, peut-être. C'est à espérer. Qu'est-ce que c'est que la New Wave of British Heavy Metal? Eh bien, faut savoir, pour peut-être les plus jeunes d'entre vous, c'est peut-être moins connu. C'est un mouvement qui a émergé, en fait, qui s'est créé d'une certaine façon sur les... le terme n'est pas préjoratif, sur le déclin de certains groupes, certaines formations de hard rock des années fin 60 et 70. Je dis déclin pour certains qui ont mis terme à leur carrière, pour d'autres qui avaient des moments avec un emblème un petit peu plus terni, si on veut un essoufflement, pour ainsi dire. Je pense à des formations comme Deep Purple, Led Zeppelin, bien sûr, qu'on sait que Led Zeppelin se sont séparés. Bien entendu, par la Black Sabbath, qui ont connu des moments qui ont été assez difficiles, voire très chaotiques, pour à certains moments revenir sous une autre forme. Et aujourd'hui, on les connaît, sont revenus sur leur identité quasi intégrale et quasi originale. La New Wave of British Heavy Metal, eh bien entendu, ce sont des formations qui étaient de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, si vous préférez, et qui ont ramené une essence un peu plus neuve, un peu plus musclée, doit-on le dire, à ce qui était considéré comme les débuts du heavy metal traditionnel. Aujourd'hui, la New Wave of British Heavy Metal est considérée aussi comme étant du metal très traditionnel. Mais à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire parce que on y avait apporté un caractère, comme je le disais, plus musclé, plus rapide aussi, avec des solos plus flamboyants, principalement mélodiques. Les influences, ou en fait les sujets qui étaient les inspirations de ces groupes-là, étaient souvent attraits à la mythologie et à la fantasy, ces trucs-là, tout ce qui était en fait fantastique, si on veut. Et ça l'a amené quand même un mouvement fort important parce que on associe souvent la New Wave of British Heavy Metal à ce qui aurait été une pierre angulaire envers ce qui est devenu par la suite le thrash metal, bien entendu, et le metal plus extrême par la suite sous plusieurs de ses formes, bien entendu, comme on en entend souvent ici à Réanimation. Et comme on devra en entendre peut-être plus tard, si le temps nous le permet. C'est vraiment la fin des années 70 et le début vraiment, tout début des années 80 qui a ramené ce mouvement. Et on associe plusieurs formations à ce mouvement. Oui, je vous risque de me répéter. Écoutez, c'est certain que ce soir, je ne passerai pas l'ensemble des bandes qui ont fait partie de cette bannière parce qu'on en aurait pour des semaines et des semaines. On parle minimalement de peut-être entre 70, 80, 100 groupes, là. Je parle parmi les plus importants, peut-être, parce qu'il y en a eu plusieurs dont ils ont fait partie, ils n'ont fait que passer, si on veut. Mais je parle de formations importantes. Puis on attribue aussi souvent les premiers noms de cette New Wave of British Heavy Metal à Judas Priest, par exemple, à Motorhead même, qui Motorhead est une formation qui avait amené des éléments du punk, mais avait transposé ça dans des éléments, dans des une synthèse de musique, si on veut, plus traditionnelle, plus hard rock. On parle des formations comme Angel Witch, on parle des formations comme Girl School, plus tard, un peu plus tard aussi Tank et tout ça. D'ailleurs, on va l'entendre un bon échantillon ce soir. C'est très important comme mouvement. Il s'est fait du sacré bon stock à l'époque, je dois le dire. Et encore aujourd'hui, plusieurs de ces bands, en fait, ils me plaisent toujours pour une partie. Certains, je trouve qu'ils ont mal vieilli. D'autres, par contre, je trouve qu'ils ont réussi à franchir le cap du temps. Et si c'était dans Rock Classic, je dirais ça passe ou ça casse. Mais il y en a plusieurs pour moi qui passeraient pas. Il y en a plusieurs qui passeraient haut la main. On va en entendre une dizaine, dans lesquelles on pourra reconnaître ceux-ci dans une première partie. Si on veut Angel Witch, Diamond Head. D'ailleurs, Diamond Head doit dire que Metallica attribue énormément leur influence à cette formation qui a été importante dans ce tournant du métal. On va entendre les Tigers of Pantang, Motorhead, Judas Priest, Iron Maiden, Girls' School, Venom, Tank, Satan. En fait, des formations qui, pour les vieux comme moi, qui ont connu le métal dès les premiers balbutiements, ont été un point tournant en tant qu'amateur de musique. Donc, allons-y tout de suite avec Angel Witch, une pièce tirée de cet album homonyme. Angel Witch, paru en 80, soit la pièce Confuse. This is the new wave of British heavy metal. Go! Confused. Still

way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. Une des formations très importantes de cette New Wave of British Heavy Metal, Judas Priest, c'est la pièce Desert Plains que l'on retrouve sur l'album Point Entry qui est paru en 1981. En fait, il faut savoir que Priest existait depuis pas mal de temps avant que cette officialisation de cette nouvelle vague de métal britannique soit reconnue. Mais ils ont pris quand même, il faut savoir que Judas Priest avait une... De leur début, était beaucoup plus hard rock, si on veut, entre guillemets, traditionnel. Ils sont arrivés avec l'album British Steel, celui qui était précédent de celui-là, si on veut, Point of Entry, avec un son pas mal plus musclé. Auparavant, nous avions Motorhead, figure de proue également, évidemment, avec une pièce que je ne crois pas me tromper en disant que tout le monde reconnaît Ace of Spades, qui est tiré de cet album du même nom, qui est paru en 1980, Motorhead, qui existe toujours aujourd'hui, qui est probablement une des rares, un des représentants de cette liste minimale des groupes qui existent encore de cette époque. Tigers of Pantang, ce n'est pas tout le monde qui connaît cette formation-là. Par contre, ceux qui ne sont pas au fait, auraient intérêt à la découvrir parce que c'est une formation qui a amené une énergie très particulière au niveau du métal. L'album étant Wildcat, paru en 1980, on a écouté la pièce Killers, à ne pas confondre avec Celerin Maiden, bien entendu. Juste auparavant, nous avions Diamond Head. Je pense que c'est aussi un groupe excessivement important. Et ils sont venus il y a quelques années au AVMTL. C'est tellement un groupe très très important de cette vague métal. Hard rock s'est transformé en métal, bien entendu. La pièce étant une des très connues de cette formation, Am I Evil, qui a été reprise aussi par Metallica, bien sûr. C'est tiré de l'album Lightning to the Nations, qui est paru en 1980. On a ouvert avec Angel Witch et la pièce Confused, et de 80 aussi sur l'album homonyme. Et on voit ici que on sentait déjà qu'il y avait encore d'énormes relents du hard rock, mais qui se transformait peu à peu vers une musique plus métallique. On va continuer ce spécial, mais je vous fais juste un petit intermède au niveau cinéma parce que j'ai pas écouté énormément de choses depuis la dernière émission. J'ai écouté quelques trucs, mais des choses que j'avais déjà vues qui feront peut-être office de la chronique à voir ou à découvrir. Mais dans les nouveautés, j'ai vu le dernier film de Clint Eastwood qui porte le titre d'American Sniper, qui est un film qui est une dramatique à laquelle on ajoute l'action beaucoup, et bien sûr sur une thématique de guerre. Ça met en vedette Bradley Cooper et Sienna Miller. C'est un très bon film, je dois le dire. Je crois que lorsqu'il y a la signature de Clint Eastwood, c'est pratiquement garant de qualité, ou c'est une valeur sûre où il n'y a pas grand chance de se tromper, disons. Ici, il le fait bien, encore une fois, cette réalisation cinématographique que Clint Eastwood nous apporte est tirée d'un livre, qui est une forme d'autobiographie de Chris Kyle, qui était un sniper, un tireur d'élite, si vous préférez, dans les Navy SEAL, pendant la guerre guerre peut-être qui n'est pas terminée finalement au niveau de l'Irak. C'est une adaptation de sa propre biographie, dont il a conservé le titre intégral American Sniper, et qui raconte... J'imagine que dans le livre, c'est plus détaillé que ça, là. Mais qui raconte un peu le départ en tant que jeune garçon de ce Chris Kyle pour devenir, étant jeune adulte, un adepte de rodéo, un cowboy, je dirais un peu paumé, là. Je dois le dire, oui, sur des rodéos, faisant partie de rodéos un peu de bas étage, jusqu'à ce qu'il ait l'appel du service en écoutant les nouvelles et en voyant le conflit qui règne en Irak et au Moyen-Orient. Donc, il décide de s'engager dans les Navy SEAL, rien de moins. C'est un corps d'élite qui ne l'a pas vraiment facile au niveau de l'entraînement et au niveau des missions non plus. Et on lui découvre rapidement un talent en tant que tireur de précision et on l'amène à devenir sniper ou tireur d'élite. Et ce sont ses exploits. Il protégera énormément de ses... de ses frères d'armes au niveau des interventions. Il fera 4 interventions de plusieurs jours, plusieurs semaines, dois-je dire, en milieu hostile, pour toujours revenir, en fait, auprès de sa famille. Et on rencontre, il nous raconte aussi, en fait, et on comprend la mésadaptation qu'il a de plus en plus envers la vie civile, en ne pouvant faire comment je pourrais dire, se couper de sa vie militaire envers sa vie familiale et civile. Donc, énormément de conflits qui rentrent en ligne de compte. Je pense que ça, c'est le nombre, c'est pas le nombre, mais c'est le lot de nombreux militaires qui reviennent de missions qui sont relativement assez éprouvantes et généralement, ma foi, meurtrières. C'est un très bon film. C'est vraiment, vraiment bien fait. Bradley Cooper est excellent dans le rôle de Chris Kyle. Et je dois dire que c'est un film qui a beaucoup d'action par moment et un certain nombre de violences assez importantes, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené que on n'a pas l'impression de nous présenter seulement un film de guerre proprement dit. C'était la seule chose au niveau des nouveautés cette semaine qui a vraiment attiré mon attention. Le film que je vous incite à redécouvrir ou à revoir ou à découvrir simplement, il s'agit d'un film de 2002 qui est signé M. Night Shyamalan, qui met en vedette Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Il s'agit de Signe, et qui est un excellent film de science-fiction entremêlé d'un trailer qui raconte la venue d'extraterrestres sur les terres d'un cultivateur avec ces fameux signes dans les champs. Vous savez ce qu'on voit à vol d'avion là, qui représente certaines formes géométriques. Et c'est vraiment un film qui monte en crescendo et en tension assez efficace. Je me rappelle pertinemment de l'avoir vu à sa sortie en 2002 et d'avoir dit « Wow, c'est le genre de film qui est capable de venir nous chercher et nous incorporer dans l'action, dans ce qui dans ce qu'on veut nous faire vivre. » Et je l'ai réécouté plusieurs fois par la suite. Évidemment, le punch était brisé parce que, bon, moi, je l'avais vu, mais je trouve que c'est un film qui est très intense et qui s'écoute très bien dans le genre de la science-fiction dans le trailer. Et je lui accorde toujours un 8 sur 10. On va continuer avec ce spécial de la New Wave of British Heavy Metal. On va aller avec un groupe qui, je dois avouer, a été et est probablement toujours très, très, ben oui, certainement très important au niveau de la scène métal, mais qui a ramené un déclenchement particulier à cette invasion métal britannique. Il s'agit d'Iron Maiden. Bien entendu, vous comprendrez que je n'aurais pas choisi d'album avec Bruce Dickinson. Par contre, ça aurait été mal vu, je crois, de le faire parce que on parle toujours du début des années 80. Donc, j'ai retenu une pièce qu'on retrouve sur l'album Killer. C'est un excellent album. On va entendre la formation féminine Girls' School qui était et qui existe toujours et qui a toujours été très importante dans le milieu du metal, du rock féminin. Formation qui a été fortement, en fait, je dirais, aidée par Motorhead, par Lemmy principalement. On va entendre Venom. C'est un incontournable sous cette bannière. On va entendre Tank. Puis on va essayer de s'arranger jusqu'à Satan. Il y a tellement de choses à passer. Bon, bref, on va y aller tout de suite avec Iron Maiden, Wrathchild. This is the new wave of British heavy metal. Et vous êtes sur les ondes de réanimation de The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou. Go! We'll be right back.

20h42. L'émission tire à sa fin et définitivement, je ne pourrai pas vous présenter mon bloc spécial Deuxième Guerre mondiale. On se reprendra la semaine prochaine. On vient d'entendre une formation que je n'aime vraiment pas du tout. Vraiment, en fait, musicalement, ça me laisse un peu indifférent, mais c'est le vocal. Je trouve ça exécrable. Il s'agit de Grim Reaper. J'ai l'impression que il est pas capable de faire la job, mais qu'il veut la faire pareil. C'est au bord de fossé. J'aime pas ça, mais il fallait que je le diffuse tout de même parce que c'est une formation qui, en 83, a sorti un album qui porte le nom de See You in Hell, qui a été quand même, je dirais, oui, marquant. C'était la pièce Dead on Arrival, formation qui existe au moins depuis 79 et qui n'a que 3 albums complets studio à son actif. Faut dire qu'il y a une période de 18 ans où ce qui ont été inactifs, soit de 88 à 2006. Puis maintenant, en fait, ça marche sous le nom de Steve Grimmett's Grim Reaper. Ripper, donc le fameux chanteur. Donc, je suis incapable. Il a franchement l'air ridicule, je dois dire aussi. C'est pas gentil, j'en conviens, mais je ne suis pas quelqu'un de plaisant. Juste auparavant, nous avions Tank, la très bonne pièce Heavy Artillery qu'on trouve sur Filth Hounds of Hades, qui est paru en 1982 sous Camouflage Record. Ça, c'était très, très bon. Les incontournables Venom, bien sûr, avec Countess Bathory, qui est tiré de l'album tout aussi incontournable pour les amateurs de métal, Black Metal, qui est paru en 82. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a quelques émissions, en fait, il y a 2 émissions, je pense, si je ne m'abuse, je vous ai présenté le nouvel album de Venom, qui est excellent. On a entendu Girls' School et la pièce I'm Your Victim, ou en fait Victim, si vous préférez, tirée de Hit and Run, paru en 81, sur Bronze Recording. C'est toujours très bon, Girls' School. J'ai eu le loisir d'y voir en spectacle il y a quelques années. Ce sont des dames, maintenant, elles sont plus des fillettes d'école, bien entendu, ni des lycéennes, des collégiennes. Ce sont des dames du heavy, du rock, si vous voulez. Et elles se donnent à fond toujours. Et ça donne quelque chose, un très bon spectacle. Ce sont généralement de bons albums aussi, Girls' School. Et on a entendu à cette deuxième partie Iron Maiden et la pièce Wrathchild qu'on retrouve sur Killers, qui est paru en 81 sur EMI. Un des très bons albums du métal, je dois le dire. Et selon moi, possiblement, ben en fait, un des meilleurs albums d'Iron Maiden. Parce que moi, ça s'arrête là. C'est le deuxième. Musicalement parlant, vite fait, j'ai pas énormément de temps devant moi pour vous faire de grands discours, mais je veux vous dire que la semaine prochaine, je vous présenterai, je me reprendrai pour le bloc de la Deuxième Guerre mondiale, mais je vous présenterai la dernière parution de la formation polonaise Hate. Formation ma foi, je dois dire, je viens de la découvrir. C'est une formation qui existe depuis quand même 92, je crois, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Un album qui porte le nom de Crusade 2.0, c'est paru il y a très peu de temps sur Napalm Recordings et sur Napalm Records, pardon. Et écoutez, c'est certain que on peut poigner ses racines. Donc formation polonaise, on retrouve un peu de ce que Behemoth fait d'une façon moins symphonique, moins grandiose, mais on retrouve certaines, je dirais, consonances qui donnent vraiment une épice fort intéressante à Hate. Je lui ai donné 8 sur 10, je le présente la semaine prochaine. Aussi ce vendredi, cette semaine, Rock Classique, le Rockmaster et moi vous présenterons la traditionnelle émission pour la Saint-Valentin. Bon, ça a l'air un peu comme ça, mais non, c'est pas parce qu'on vous présente une émission qui est spécial pour la Saint-Valentin, parce qu'on va être vendredi 13. Veille de cette fête des amoureux, bien sûr. Eh bien non, nous, on vous passe pas des balades qui parlent d'amour, on vous passe du rock. Et puis, on aura aussi les présentations traditionnelles qui sont albums classiques, qui, cette semaine, s'adressera à Kiss et l'album Dress to Kill. Et aussi, la chronique de... La chronique chronique des groupes obscurs, voilà. Effectivement, groupe obscur. Et cette semaine, le Rockmaster nous a préparé la présentation, je ne la vois pas vite comme ça, là. Love Machine, voilà. Et en plus, on aura sûrement, on a demandé à nos auditeurs de nous envoyer des petits messages qu'ils veulent que l'on dévoile sur les ondes au niveau de ce qui s'adresse envers ceux qu'ils aiment, bien sûr. Donc, ça risque d'être assez tordu. Voilà, Rock Classique ce vendredi 13 de 11h à 17h, accompagné du Rockmaster et moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Pain Pendragon. Histoire de compléter, de boucler plutôt ce spécial New Wave of British Heavy Metal, je vous propose une pièce des excellents Satan, qui ont eu une carrière, je dois dire, assez en dentis. Oui, pas en dentis par manque de qualité, mais en dentis par manque de production. Formation qui, à un certain moment donné, a même changé de nom pour Blind Fury, qui sont revenus Satan, qui ont eu une période d'inactivité, bien entendu, pendant plus de 20 ans. En fait, je pense que c'est même 28 ans, si je ne m'abuse. Et qui sont revenus il y a quelques années avec deux excellents albums qui sont vraiment, vraiment très, très, très, très intéressants et très bien faits. C'est du très bon métal. Moi, je vous propose une pièce de leur première apparition, Court in the Act, qui paraît en 1983. C'est un album que je trouve toujours tout aussi intéressant que à cette époque, lorsqu'il est sorti. Je vous propose la pièce Trial by Fire et on se retrouve après. Go! We'll be right back. C'est vraiment ou pratiquement à la fin. Il est 20h54, on vient d'entendre l'excellente formation Satan, la pièce Trial by Fire. On trouve sur leur première parution de 83, Caught in the Act. Ça aussi, c'est un album qui m'a vraiment marqué, je dois le dire. Tout à l'heure, je disais qu'ils avaient pris une grande pause. Effectivement, c'est vrai, quand j'ai dit qu'ils ont ramené deux bons albums, évidemment, c'est l'album studio Life Sentence, mais en novembre dernier, ils ont sorti un excellent album live qui est Trail of Fire, live in North America. C'est un des bons albums live au niveau du métal aussi. Dans quelques instants, c'est Matière Noire. Et je présume qu'il va encore nous sortir des affaires épouvantables, là. Il a l'air de concocter quelque chose de vraiment machiavélique qui est assis à côté de moi puis il me fait peur. Pour qu'il me fasse peur, c'est qu'il doit être très malsain. La semaine prochaine, je vous ramènerai ce spécial World War II, si vous préférez, sur la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la présentation de l'album Hate, Crusade Zero, et peut-être même un album marquant, sait-on jamais si on a le temps, je déborde toujours. Je vous laisse avec une dernière pièce d'une... En fait, c'est une formation. Selon les informations que j'en ai, il s'agirait d'un duo qui vient de Calgary. Bien sûr, ça c'est au Canada. C'est une formation qui donne dans death metal industriel, oui, peut-être. Bon, en fait, c'est une connotation industrielle, peut-être, sait-on jamais. Moi, je n'ai entendu qu'un seul extrait présentement, puisque l'album ne sera disponible que le 15 février prochain, donc la semaine prochaine. Il portera le nom de Indoctrination of Sacrilege. Il s'agit de la formation Arbitrator. Je vous propose la pièce For What Which May Appease Lions. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de réanimation. Restez sur les ondes pour Matière Noire. Et sur ce, voici mon conseil hebdomadaire que vous deviez suivre à la lettre pour rester sain d'esprit, tout comme moi. Allez toujours faire foutre. Go!